And now back to George and Hélène. George is now halfway through his breakfast, but there are a couple of things he doesn't recognise. Listen. This isn't marmalade, is it? Non, non. C'est de la confiture d'abricot. Oh, qu'est-ce que c'est en anglais? Apricot. C'est ça. For breakfast? Mais oui. And what's this one? Let me taste. Mmm, c'est bon. En français, c'est... Oh, le nom. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est très facile, mais... Oh, pardon. Mademoiselle, s'il vous plaît.